les gens me le disent. Non, mais. Oh, son, mais. Ouais, ben dégage. C'est mon sang. Dégage. Que les choses soient bien claires. Pas une des tours de la liberté n'est assez haute pour que ta chute soit crédible. Pas une explosion secrètement convoitée n'est assez puissante pour que tes viscères soient rentables. Pas une de tes paroles en mode remplissage absolu n'est assez vraie pour que ta cervelle soit consommable. Tu ne saignes toujours pas sous les coups, connard kawaii, des matraques bien astiquées par tous les rectums orbitaux, aux globes oculaires délicieusement arrachés en flash télématique que borde le ciel séminal, dégouninant de tes souffrances symphoniques, ainsi spectacularisées sous l'enseigne des bics du fond. Ahane donc, en bouffant ces bites touristiques qui cognent, giclent, défoncent ton organe social, à ricaner palpitant au lustre d'une lymphe surlignée de soupirs putrides prêts à chier quelques sérotonines castatrices, où ton métro globulaire déraille en apnée de justesse régularisée. Les métastases des manies, sœurs d'hématome céphalique, en hématome céphalique, mise en plaie, parfaite pour prochaine pénétration percutante. Les lèvres de ces orifices, hautement confectionnés par cronu, mordant, déchirant, lacérant, ta tendre chair, assez fraîche que ça, mais bon, ça ira, hein. La salive totalement disposée à accomplir sa tâche amative le long de mes entrailles tubulaires. Un glout. Et c'est reparti. Lécher ses dents pour se donner une contenance. Avaler en t'espérant. Respirer pour ne pas te toucher. Et cette jugulaire toujours bien exposée, fils de pute. Paradant et gémissant son ouverture à l'air ambiant, bien que le privé soit démodé. En fait, Anders a une bonne méthode. L'alignement ou le morcellement citadin offrant l'excellente alternative d'une biodiversité laissée libre, enfin, de se renouveler au nom d'engrais spirituel, son libation électrique à ton corps quotidien, carré. De toute façon, tu t'es bien fait enculer, tu le sais. Le script ne se voit pas lorsque les hurlements intimes sont éclaboussés de lumière. Il n'y a plus de sens aux prières. À demain, toujours demain. Bye. Kiss, kiss.